Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Okay. Donc, Kiwa, c'est l'heure de recevoir Simon Fitzbay avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Je pense que Simon l'a compris, celle-là. Compris quoi? OK! OK! OK! Non? Ça me dit quoi, mais... C'est pas grave. Ça allume pas la lumière, mais... Désolé. Il y a pas... Ouais. OK. Là, tu l'as fait pareil. Là, tu vas me faire rusher. Tu vas me faire chercher tout le long de ma chronique. Là. D'où ça vient le « OK » Ça vient pas des visiteurs. Laisse faire. Simon, okay. Bienvenue dans nos studios. Ben, merci de me recevoir chez vous. Humble studio. Humble studio, ouais. Ouais, parce qu'il est petit. Un petit peu. Il est petit. Ben, on se plaindra pas, moi, on a un studio. Non, on est bien, je trouve, dans ce studio-là. Il y a plein de monde à Trois-Rivières qui n'ont pas de studio. Nous autres, on en a un. Dans le tiers-monde, plein d'enfants n'ont pas de studio. Ouais. Faudrait leur en payer un. C'est ça. Ouais, à chacun, ça va coûter cher. Oui! Donc, aujourd'hui, dans la chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is Dead, tu nous parles de Brian Wilson. Oui, Brian Wilson est là. Je vais vous demander vraiment d'être attentif et d'essayer de me suivre parce que c'est... C'est un... Pas que vous n'êtes pas attentif à l'habitude, ben, mais c'est ça a que l'air c'est... un petit peu accusatoire comme ben ton. Non, je m'excuse, désolé. C'est juste que c'est un sujet, en fait, c'est une personne que je connais beaucoup. J'ai lu sur Brian Wilson, j'ai écouté à peu près tout ce qu'il a fait. C'est une de mes idoles, donc j'ai eu beaucoup de misère à vraiment concentrer toute ma chronique en une seule épisode de 20 minutes. Je voulais pas faire deux heures non plus de Paul is Dead. Ben non, hein? Ça a été un peu long. Fait que j'ai décidé de couper ça en deux et je vais essayer d'être le plus concis possible et d'être le plus facile à comprendre aussi possible. Donc, on va commencer comme suit. Et il va y avoir un questionnaire à la fin, Mathieu. Donc, ouais, prends des notes. Un examen, si tu passes pas, ben, je vais te taper les doigts. Ah, bon. Donc, voilà. Je le fais déjà je vais laisser tout seul, Kiwan te refouetter parce que tu l'as fouetté tantôt. OK. Oh, ouais. OK. Donc, on va commencer comme suit. OK. Ah, ça va être génial. Ouais. Donc, le milieu de la pop regorge de personnages fascinants qui contribuent fortement à l'évolution de la musique et font faire des bons en avant, inégalés au style auquel ils appartiennent. Ces génies ont parfois du mal à rester simples et sains d'esprit face à leur création. Brian Wilson, compositeur et leader des Beach Boys, est un de ces créateurs qui ont permis à la musique d'évoluer à une vitesse inégalée. Il a imposé des standards qui ont forcé les autres compositeurs à redoubler d'ardeur au travail afin de fournir un produit, une musique nouvelle au goût du jour. Par contre, Brian Wilson comporte également un côté tragique. Effectivement, ce génie des temps modernes a longtemps vécu sous une pression beaucoup trop grande qu'il a évacué par de lourdes consommations de drogue ainsi qu'un refermement sur soi qui lui a causé plus de mal que de bien. Donc, ça a mal tourné pour lui, malheureusement. Mais c'est une fin heureuse que vous allez entendre la semaine prochaine. Brian Wilson a toujours eu une relation particulière avec la musique. Lorsqu'il était un enfant, à l'écoute de la pièce Rhapsody in Blue de George Gershwin, c'est une des plus grandes pièces de Gershwin. Donc, ça l'a saisi. Il a affirmé qu'il voyait des vagues de couleurs à l'écoute de la pièce, donc lorsqu'il écoutait la pièce. C'est également à cet âge, que son père l'a frappé à la tête, ce qui lui a causé une surdité permanente à une oreille. Donc, il entend en mono. Il entend à peu près à 3% de son oreille. Je pense que c'est la droite ou la gauche. Wow, c'est un gros coup, ça? Oui, ça a fait ses formes. Il était très jeune, donc à cette époque-là. Si tu fais juste une pichinotte, des fois, ça peut faire de quoi. Donc, faut pas frapper les enfants. Et l'amour de Wilson pour la musique s'est quand même répercuté dans son adolescence, alors que lui et ses frères s'adonnent à chanter des reprises de chansons de style barbershop. Ça, c'est un peu comme les C dièse, pour ceux qui connaissent pas le style barbershop. Dans les Simpsons, ouais. Exactement. Quatre chanteurs, donc, font des harmonies. Mm-hmm. Et donc, ils chantaient ça dans les fêtes de famille, à l'école, des choses comme ça. Et c'est lorsque leurs parents ont quitté pour aller en vacances à l'étranger en 1961 que les frères Wilson, qui étaient trois, donc Brian, Dennis et Brian... Brian. Ça aurait été bizarre de leurs parents, hein. Ouais, ça aurait été... Appelons-le John. Brian Junior 2. Non, c'est Brian, Dennis et Carl. Ah. Donc voilà. Qui ont décidé d'enregistrer avec leur cousin Mike Love ainsi qu'un petit voisin en avant dont son nom m'échappe une pièce donc que Brian avait enregistrée. C'est la pièce Surfin qui a été ensuite enregistrée sous le nom des Pendletons et qui a apparu sur le premier album des Beach Boys, Surfin Safari. On va l'entendre justement cette pièce sur les ondes de C'est fou 89.1 FM dans le cadre de la chronique Paul is Dead sur Brian Wilson. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip da dip da dip, Bob, dip da dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, Bob, dip da dip da dip, surf, Bob, dip da dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, bob, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp, it's the latest dance craze. Surfing, bob, dip, dip, dip, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, bob, bob, dip, dip, dip, bob, bob, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, bob, bob, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back. Go and surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, bob, bob, dip, dip, dip, bob, bob, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Mathieu, t'es-tu capable de faire un pom-pom pipiri? Pipiri, je sais pas. Ah, c'est pas pire. On va faire une cover, c'est Mathieu qui va faire ça. Pipiri. Mais ça sonne pas pire. Pareil comme Brian Wilson, je serais juste pas capable de danser en même temps. Ben juste danser tout seul, pas capable. Ouais, non, c'est ça qu'on expliquait, en fait. C'est que le chanteur des Beach Boys, Mike Love, qui était le chanteur principal, quand il était sur scène, c'est le chanteur le moins charismatique qu'il y a pas au monde. Il reste droit comme un piquet, il se fait un peu aller les épaules, puis il chante avec son micro collé. En tout cas, c'est pas beau à voir. Là. Puis même à l'époque, quand ils ont commencé, c'était encore pire, parce qu'ils étaient tous terrorisés quand ils montaient sur scène. Et c'est justement, donc c'est une pièce qu'ils ont enregistrée, je pense que le plus vieux avait 19 ans là-dedans, le plus jeune devait avoir 16-17 ans. Donc, il voit très jeune. Je sais pas si aujourd'hui ça marcherait encore, ce vu qu'il faut vraiment performer, danser en même temps qu'on chante, on dirait de nos jours. De faire du chant comme de sa façon à lui, de juste se tenir droit. Non, mais dans le sens qu'un chanteur aujourd'hui devrait sûrement faire plus de mouvements sur scène pour avoir du succès. C'est difficile de rester, justement, de pas bouger sur scène puis d'avoir du succès. C'est rendu, il y a des éléments de danse qui sont... les standards ont été augmentés, en fait, depuis ce temps-là, tu sais. Avant ça, t'avais des chanteurs qui restaient juste droits qui chantaient des chansons en billard costume, pis c'était bien beau. Perry Como, genre Michel Louvain. Ouais, c'est ça, c'est pas obligé de bouger dans ce temps-là. Mm. Ils sont trop beaux. Ils sont juste trop beaux pour ces dames. Elles s'évanouiraient s'ils dansaient. Donc, c'était la pièce Surfin' des Beach Boys qui est tirée de leur premier album, Surfin' Safari. C'est la première pièce qui a été enregistrée par les jeunes garçons dans leur maison. Ils avaient emprunté donc des instruments pour enregistrer. Chacun en a pris un et bon, ils ont enregistré cette composition-là. Ce qui est drôle, c'est que Brian Wilson, lui, personnellement, n'était pas intéressé du tout à faire de la surf music. Lui, il voulait plus faire du barbershop, de la composition, je dirais pas plus grandiose, mais plus complète avec des accords peut-être un peu plus complexes. Malheureusement, donc, il a été victime de son temps. Il a dû commencer par faire de la surf music, mais quand même, il s'est recyclé par la suite où il a plutôt changé l'image de la surf à son image, donc ça a bien été. Et donc, avec ça, les Beach Boys sont devenus rapidement le groupe le plus populaire des États-Unis. Le surf était la musique à la mode et le groupe écrit succès après succès. Géré par le père Wilson, Murray, de son prénom, la formation enchaîne concert après concert dans les foires, les petites salles qui deviennent de plus en plus grandes. Malheureusement, toutes ces exigences sont grandes sur les épaules de John Bryan, qui a mal à gérer la composition, les concerts et l'énorme pression que lui met son père, qui tentait de vivre sa carrière de compositeur que lui avait personnellement raté, Murray, au travers de son fils. Donc, il poussait vraiment pour qu'il travaille. Et donc, ça allait pas très bien. Et d'ailleurs, Murray Wilson, il avait sorti un album un peu après. Et c'est pas passé à l'histoire du tout. Donc, pour donner une idée, c'est le fils qui a eu à peu près tout le talent. Et donc, toute cette pression cumulée pousse Wilson à la crise de nerfs aux accents paranoïaques en 1964, alors que le groupe était dans un vol en direction de Houston. Et il a été ramené à la maison, donc où il a pris le temps de se reposer, et il recommence à composer quand même assez rapidement quand même. C'était vraiment juste... il était plus capable. Donc, la steam a sorti, puis il a pris la décision, après cet incident-là, de plus jamais faire de tournée avec le groupe, en préférant rester dans le studio et composer. Donc, une fois libéré de ses contraintes des concerts de la tournée, Wilson peut maintenant s'adonner à faire ce qu'il adore, c'est-à-dire composer et travailler en studio. Il était également un grand fan de Phil Spector, et ça, c'est lié avec la chronique de la semaine dernière, parce qu'on parlait de Phil Spector et son Wall of Sound, ainsi que ses mêmes crises. Et donc, il adorait Phil Spector à un point tel qu'il tentait de l'imiter. Et comme les deux compositeurs travaillaient pour la même compagnie, dans les mêmes studios, Wilson allait s'asseoir dans le studio Spector pour le regarder travailler avec son Wall of Sound. Il posait des questions, mais avec son ego démesuré, Phil Spector en profitait surtout pour le dénigrer, l'ignorer. Et il allait même jusqu'à insulter Brian Wilson, ce qui a quand même pas découragé Brian Wilson, le gars, et qui est encore à ce jour idolâtrise beaucoup encore le travail de Phil Spector. Pour lui, c'est son plus grand héros. Et donc, son album préféré, qui est l'album de Noël de Phil Spector, son album préféré de tous les temps. Mais n'empêche que cette admiration démesurée pour Spector a donné l'idée à Brian Wilson de mettre sur pied son propre orchestre afin d'enregistrer des pièces du groupe. La Wrecking Crew devient donc l'instrumentation des Beach Boys, qui n'étaient pas des grands musiciens. C'était moyen là, l'affaire. Donc, faut être réaliste, là, Brian a eu quand même la bonne idée de reprendre cet orchestre-là. Et grâce à lui, l'orchestre, il peut maintenant entreprendre les grands projets, dont le plus grand projet des Beach Boys à cette époque-là, c'est-à-dire Pet Sound. Un album qui est extrêmement innovateur, qui fait l'usage des dernières technologies d'enregistrement disponibles. Mais ce qui frappe l'auditeur vraiment, c'est surtout la composition et l'harmonisation de Brian Wilson qui rend cet album-là remarquable. C'est vraiment lorsqu'on écoute les sessions d'enregistrement qui ont sorti sur CD il n'y a pas longtemps, donc qu'on peut se rendre compte à quel point il était travaillant sur ces albums-là. Et on peut voir un peu une partie de sa vision qui c'était tout dans sa tête. Il arrivait, il disait « Toi, tu joues ça, toi, tu joues ça, toi, tu joues ça. » Là, ça partait, puis lui, il entendait ce qui allait s'en venir dans sa tête. Là. C'était vraiment... C'est un génie. Donc, c'est un chef-d'œuvre des temps modernes qui est, à mon humble avis, surpasse à tout point les travaux de Phil Spector et son orchestre, tout ce qu'il a pu faire. Et une copie a été envoyée en Angleterre où, dans une chambre d'hôtel, on retrouve John Lennon, Paul McCartney, qui travaillait alors sur la production de l'album Revolver. Il y a aussi Mick Jagger et d'autres artistes britanniques de l'époque pour entendre le nouvel album. À l'écoute d'une pièce en particulier qui se nomme God Only Knows, Paul McCartney a déclaré que c'est la meilleure chanson pop jamais enregistrée. Et si je ne me trompe pas, c'est encore son opinion à ce jour. Donc, on va entendre cette pièce-là qui se retrouve sur Pet Sounds. C'est God Only Knows des Beach Boys sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. You should ever leave me. Hein? Ben, très popé. Ouais, c'est vrai que c'est très bon. C'est bon. En tout cas, moi, j'aime bien les orchestrations et même les paroles qui sont géniales, l'harmonisation. Donc, c'est très bon. Donc, c'était la pièce God Only Knows des Beach Boys, tirée de l'album Pet Sounds, qu'on entend dans le cadre de ma chronique Paul is Dead, dans le cadre d'Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. Je fais une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse. Ouais, mais je suis bon pour faire ça. Je me rends compte que j'en fais beaucoup quand j'écris. Ça se répercute dans mon langage. D'ailleurs, je voulais vous féliciter pour votre teaser, votre petite pub que vous avez faite hier. Avec le rock'n'roll. T'es fin. Ah, c'était bon. T'as envie de la réentendre. Hein? Ça va être dans les meilleurs moments un jour. Ouais, ben pourriez-vous la refaire jouer, genre, ben drette là, ce sera le fun. Tout de suite. Voici le plan de mercredi à Assemblage requis. Simon Fitzbé vient décortiquer un autre mine du rock'n'roll. Dans sa chronique Paul is Dead. Et dans la chronique CNX, ça va être geek. Ok, ça c'est un petit peu moins cool. Assemblage requis, mercredi 15h. C'est chouette. Ça fait plaisir, ça, ouais, Simon. Oui, j'adore. J'ai adoré ça. Je suis resté crampé pendant une demi-heure le matin. Juste à passer à ça. J'ai fait jouer juste une fois en plus. Est-ce que t'aimes mieux celle-là ou celle où on faisait le décompte des décennies et des semaines et des mois depuis le début de l'émission? Ah, mais ça aussi, j'ai trouvé ça chouette. Ouais, j'ai trouvé ça bon. Mais je trouve que vous faites du bon stock de toute façon, les gars. Fait que ça. Ben vraiment, je pense qu'on va essayer de les retenir, là, ceux qu'on fait qui se démarquent un peu. Puis un jour, on fera une compilation. Ah oui. Ah oui, ou bien faites une émission spéciale de 2 heures juste avec les teasers un après l'autre. Ça serait bon. Si jamais vous êtes malade ou quelque chose, ben, vous ferez ça. C'est un bon concept. Ça fait un backup. Un plan B. Et ça, on aime ça, assez fou, nous, les plans B. Ben oui. Vraiment. On fait bien ça. On fait très bien ça. Oui. Donc, on va réenchaîner avec ce qui restait de ma chronique, si on veut laisser le temps aux comment ils s'appellent déjà, vos faire de la pub pour eux en même temps, là, vos nouveaux chroniqueurs? Les incorrigibles. Les incorrigibles. Oui. Ah, ben j'ai bien hâte d'entendre ça. Moi aussi. Donc, on a entendu la pièce Garden Needles, comme je le disais. Et Pet Sound qui n'a pas été un grand succès commercial, mais la maison de disques Capitol et les Beach Boys ont eu confiance au talent de Brian Wilson et qui avait déjà un autre projet en tête, une symphonie psychédélique pour adolescents qu'il voulait nommer Smile. L'inspiration de cet album à grand déploiement, qui fait encore appel à la Wrecking Crew, bien sûr, vient surtout de la grosse consommation de drogues hallucinogènes que Brian Wilson prenait à l'époque. Et c'était vraiment beaucoup. Lui qui avait déjà une santé mentale fragile, on sait, il avait fait une crise quelques années auparavant, il carburait à la marijuana, au hashish et au LSD, et bien d'autres drogues que je ne connais juste point, donc j'en ai pas parlé. Pas que j'y connais parce que je connais le nom, tu sais, je sais c'est quoi. Mais donc, ces drogues-là l'aidaient grandement à composer sa musique, mais n'aidaient pas nécessairement sa stabilité autant mentale que physique. Par contre, Smile s'avère être un énorme projet qui monopolise à la fois l'orchestre, le studio, la compagnie de disques et les Beach Boys qui eux-mêmes ne comprennent pas vraiment les objectifs de Brian, qui transformait le studio en centre de méditation. Il obligeait les membres du groupe à porter des casques de pompiers pour enfants pendant les enregistrements. Donc, il enregistrait avec des casques de pompiers pour qu'ils se sentent plus dans le mood. Parce qu'il y avait une pièce qui se nommait Fire. Okay. Donc, il allait comme éteindre le feu en chantant. C'était vraiment là. Wow. Ouais, il était vraiment. C'est comme un acteur qui s'intègre dans son travail, vraiment. Là. Ouais, il était perdu vraiment, là, un goût, Brian Wilson. Mais ça, on va en parler justement la semaine prochaine. Mais le pire s'en vient, là. Ça, c'est. Il commençait à montrer ses signes. Bizarre, là, de bizarritude, je sais pas si le mot existe, on va l'inventer. plisaroïdité. C'est bon, ça. On va l'inventer, lui aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Studio en centre de méditation, il obligeait le groupe à porter des casques d'enfants. Et il enregistrait les rires de ses amis afin de rajouter ça sur l'album. Il faut dire que l'album s'appelait Smile. Donc là, il y avait au moins un lien. Donc, Smile, on rit, on sourit, on fait des sourires. Et donc, Mike Love, le chanteur de la formation, a décidé de claquer à la porte du studio et d'abandonner le projet après avoir demandé à Van Dyke Parks, qui était l'auteur des paroles, parce que Brian Wilson n'écrivait pas de paroles. Lui, il donnait ça à un parolier. Et c'était son ami Van Dyke Parks qui écrivait. Donc, il avait demandé, Mike Love, le chanteur, avait demandé, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles-là? Il disait, en français, traduction libre, qui court sur le cheval de fer? Donc, il demandait, mais ça veut dire quoi? Et Van Dyke Parks a tout simplement dit « J'en ai aucune idée. » Donc, il a dit « C'est bon, moi, je m'en vais. » Donc, il est parti. Et du même coup, donc Van Dyke Parks, lui aussi, a décidé de partir en même temps pour rien. Donc, ça a commencé à aller mal. Donc, il n'y avait pas les critiques. Ils ont quitté. Et c'est finalement la maison de disque Capitol qui a asséné le coup fatal à Brian Wilson en coupant les fonds de Smile après que l'album ait déjà coûté près de 50 000 $ à la compagnie sans avoir donné de résultats concrets. Et 50 000 $ de 1967, mm-hmm. c'est, faut faire pratiquement x10, donc 500 000 $ sur un album. Ça revient cher. Et le refus de la compagnie a donc poussé Wilson encore plus profondément dans sa dépression. Et le tout ajouté à une visite de Paul McCartney, qui y a joué sur un piano une version non travaillée de la pièce A Day in a Life, qui en a résulté à encore une autre crise comme celle qu'il avait faite dans l'avion. Et donc, A Day in a Life, pour ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, j'aurais dû emmener l'extrait sonore la semaine prochaine, je ferai ça. C'est une pièce des Beatles qui se retrouve à la fin de Sgt. Pepper. C'est une des très, très bonnes pièces des Beatles. Et il faut dire que les Beach Boys et les Beatles, c'était de la compétition toujours. Ils ont été dans la même période, faisaient le même genre d'album pour le même genre de public. Donc, c'était toujours à savoir. Et Brian Wilson avait été, à la base, influencé par l'album Rubber Soul des Beatles pour faire Pet Sounds, qui est un album complet. C'est-à-dire que avant 1966, on prenait des pièces enregistrées en studio une fois de temps en temps qui faisaient des 5, des 45 tours pour les plus vieux. Et après ça, on mettait ça sur un album de compilation qui était l'album studio comme tel. Et à la suite de Rubber Soul, donc les groupes ont commencé à enregistrer l'album complet en studio sans sortir de simple. Et c'est ce qui est arrivé avec Pet Sounds. Et Pet Sounds a inspiré les Beatles pour faire Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, donc qui est devenu un des plus grands albums de tous les temps. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ouais, ça marche? Bon, c'est bien. J'espère qu'à la maison aussi, on m'a suivi. Dans la voiture aussi, qu'on n'a pas pris d'accident en saignant du nez parce que c'était trop compliqué. J'espère que non. Et donc, la semaine prochaine, on va voir la suite. On va voir comment il a répondu à tous ses échecs consécutifs la semaine prochaine. Entre autres, avec son lit, de la bouffe, sa fille. En tout cas, vous allez voir, c'est le pire qui s'en vient, dans le fond. C'est vraiment la période la plus creuse. Merci beaucoup, Simon. Ben, ça fait plaisir. La vie de Brian Wilson, la semaine prochaine, toujours mercredi. Et puis, même heure, même poste. Ben oui, et d'ici là, ben, on va t'écouter à tes autres nombreuses émissions. Oui. Mm-hmm. Commençons par la plus proche d'ici, c'est ben, la pilule du lendemain, évidemment, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Le lundi, il y a Krautrock à 18h. Et mardi à 14h, c'est Album Classique. Album Classique qui... Et là, ça fait un autre problème. C'est que ça se pourrait que ça change encore de place. Oh non, c'est pas pour vrai. Oui, j'ai été obligé de prendre un cours le mardi midi. Ah oh ben, calme. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et que c'est pas facile, la vie d'un Simon Fitzbé. Eh ben non, mais ça se place, là. Ça prend juste une semaine ou deux. Ah, on a oublié la chronique des carreaux aux dates aussi. On va faire l'assiette de carreaux aux dates dans le cadre du dîner de cons le jeudi midi. Voilà. Et voilà. Ça fait le tour. Ouais. C'est assez. Là, c'est le tour. Les gens vont devoir s'acheter un agenda juste pour Simon Fitzbé. Ben oui. Je vais me louer un gros panneau publicitaire. Je vais mettre juste mon horaire. Ce sera même pas une pub, rien. Ça va ta face rentrera pas. C'est en train de dire j'ai une grosse face. Non, que t'as beaucoup de contenu. Oh, merci. Bon. Chapeau. Je vais voir si je te dirais que t'as pas une grosse tête. Ben non, j'ai pas une grosse tête, j'ai une grosse face, par exemple. T'as une face proportionnelle à ton corps, come on, là. Non, t'es en train de dire non, que je suis gros. Non, ben là, ça marche plus, ça là, je suis plus capable de m'en sortir. Ben non, voyons, genre, tu sais bien que je galipote. Tu me largues. Non, je galipote, je te nargue, ouais. Tu me galvaudes. Ouais, moi, je te galvaude, exactement. C'est une poutine, ça, je pense. Je pose pas des termes sexuels, vous dites, non, je pense. Okay. Non. OK. Ça peut en être, si tu veux que ça en soit. Ça pourrait, mais on n'a pas le piton pour faire des beeps, fait qu'on peut pas vraiment en faire. Non, mais je sais pas si galvauder, il me semble, c'est un peu. Non, je sais pas. Quand on veut censurer, on ouvre Radio-Canada. Wow! Ah! Oh! Hey, ça, c'était...